Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. L'un des plus beaux fails de l'année est un football fail, le PSG des millions dépensés et rien à l'arrivée. Quelques éléments de contexte concoctés par Milena et Ligue pour ceux qui, comme moi, ignorent tout du foot. C'est en 2011 que le fonds d'investissement du Qatar prend le contrôle d'un symbole du sport français, le Paris Saint-Germain. C'est le seul club européen qui est détenu par un pays, par un État, et qui, donc, y a une stratégie qui est complètement à part. On n'est plus du tout dans une logique sportive, ça dépasse complètement le cadre sportif. On pourrait acheter des superstars en dépensant beaucoup d'argent, mais ce n'est pas notre stratégie, absolument pas. Nous préférons chercher des joueurs plus jeunes avec beaucoup de talent. France Inter. S'il vous est arrivé d'accepter une mobilité professionnelle, vous comprendrez un peu mieux les premiers mots de Neymar en France, même si votre déplacement n'aura certainement pas coûté 222 millions d'euros. Je suis là pour écrire l'histoire au Paris Saint-Germain. Ici, c'est... Là, on est très excités, on attend que ça depuis le début. On est venu pour ça et aussi pour supporter Paris, mais aussi pour voir Neymar, on est très excités. Terminus, tout le monde descend, le PSG éliminé de la Ligue des Champions, l'exploit n'a pas eu lieu, battu 2-1 par le Real Madrid. On est déçus, nous, les premières, parce que vraiment on pensait qu'on était capables. On est déçus pour le club, bien sûr. Et on est déçus aussi pour le président qui croyait, et on est déçus pour les supporters. On a tout essayé, mais bon... Laurent Sabat, vous êtes spécialiste de la stratégie et de la communication des entreprises. Alors tout d'abord, il faut que vous nous expliquiez en quoi le PSG est-il le symbole aujourd'hui d'un fail. D'abord parce que le projet des Qataris en arrivant en 2011 et en achetant le PSG, c'était de gagner dans les 5 ans, en tout cas c'est ce qu'ils ont formulé, la Ligue des Champions. Ça fait 7 ans, ils ne sont jamais arrivés en finale. Et cette année, ils ont été éliminés en huitième de finale, l'an dernier également. Et donc, ils n'ont jamais, sur les quatre dernières années, dépassé les quarts de finale. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire peut-être que le projet et sa formulation étaient déraisonnables. Une sorte de déconnexion avec la réalité du football, du sport de haut niveau et du business dans ce point-là. Et une approche plutôt... arithmétique des choses. Déraisonnable, vous voulez dire que c'était pas possible d'opérer un tel retournement en si peu de temps ? Non, c'était pas possible. L'histoire de cette compétition montre que un club ne peut pas, en 5 ans, monter ce type de projet. Alors malgré tout, donc, si vous dites que c'était compliqué d'y arriver de toute façon, est-ce que le stade auquel ils ont abouti est honorable ou alors franchement déshonorant ? Si on écoute en tout cas les responsables du club, si on écoute les professionnels de ce sport, c'est totalement décevant. C'est à peu près 1 milliard investi sur les 7 dernières années. Donc en fait, qu'est-ce qu'a voulu le PSG ? C'est d'acheter du temps, de payer son ticket d'entrée très cher dans le top 8 des meilleurs clubs. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors pourquoi ça fonctionne pas comme ça ? Parce que on a souvent dit, finalement, ça peut pas fonctionner comme ça, une vraie équipe de foot. Quand vous mettez beaucoup d'argent sur la table, vous avez des mercenaires, et les mercenaires, c'est différent de vrais patriotes. C'est ça la solution, Laurent Sabat ? Je pense qu'il y a une solution. Il y a une. Enfin, c'est ça l'explication. Il y a une explication beaucoup plus structurelle et tout simplement historique. J'ai regardé sur les 20 dernières années le profil des clubs qui ont gagné de la vingtaine de clubs. Enfin, il y en a un petit peu moins parce qu'il y en a qui ont gagné plusieurs compétitions. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition suprême européenne, mais donc mondiale pour un club de football. Sur l'ensemble de ces clubs, il n'y en a pas un qui a moins d'un siècle d'histoire. Je rappelle que le PSG a été fondé en 1970. Ça veut dire que c'est un bébé dans le monde du football. Pourquoi je dis ça ? Parce que on s'aperçoit que tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, un siècle d'histoire, ça veut dire des institutions. des institutions qui se sont inscrites dans une histoire, dans des valeurs, dans des projets, dans des territoires. Barcelone, la Catalogne, il y a une inscription dans le territoire avec des ramifications, avec les clubs locaux pour identifier les jeunes talents, etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui peut expliquer cet échec du PSG, c'est que, en fait, le PSG n'est pas une institution. Et ceux qui sont des institutions, ce sont les joueurs, les grands joueurs payés extrêmement cher. Donc on a, en fait, renversé la hiérarchie des valeurs. Bon, mais a priori, si vous prenez des joueurs payés extrêmement cher, c'est parce qu'ils valent cet argent. Alors, je rentre pas dans le débat de savoir si c'est normal de payer autant des footballeurs. Moi, je ne crois pas. Mais apparemment, le monde du foot, lui, est d'accord là-dessus. Donc, le fait de prendre ces gens, ça signifie qu'ils jouent très bien. Pourquoi, dès lors qu'ils arrivent au PSG, ils jouent pas bien? Parce que le PSG n'est pas une équipe. C'est une collection d'individus. Quand je dis d'individus, je pourrais dire d'égo, voire d'égoïsme. Et qu'on est dans un sport collectif. Et ce qui va faire la puissance d'un sport collectif, c'est le travail en commun. Alors donnez-moi des exemples de leur égoïsme. Dernier épisode, l'élimination contre le Real Madrid. Un des joueurs, un Italien, Marco Verratti, s'énerve contre l'arbitre qui lui met un carton rouge, exclu du terrain. Ce qui veut dire, si on analyse la situation, une équipe du PSG qui était déjà à ce moment-là en difficulté, et en fait par une petite crise de nerfs contre l'arbitre, l'équipe qui était à 11 se retrouve à 10, donc en plus grande difficulté. Bon, ben alors il se trouve que Verratti, je l'ai vu en couverture de l'équipe cette semaine, il est indiqué que ce garçon a du mal à tenir ses nerfs, donc c'est pas seulement, j'imagine, au PSG qu'il a du mal à tenir ses nerfs. Non, tout à fait, mais sauf que dans la situation du PSG où on a cette fameuse collection d'individus, ça a beaucoup plus d'impact que lorsqu'on a des véritables équipes, Barcelone, Bayern Munich, il y en a 8, il y a un top 8 en Europe, que le fait d'enlever une individualité ne modifie pas la puissance et la dynamique de l'équipe. Alors que là, ça met encore plus en difficulté l'équipe. Donc bien, voilà, c'est un exemple. On a l'impression que quasiment tous les joueurs de foot, alors le dire ainsi, ça serait excessif, mais en tout cas, beaucoup de joueurs de foot sont tellement des stars qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par la tête. Ils donnent des coups de tête, par exemple, à un moment où ils ne devraient pas en donner. Je pense évidemment à Zidane. Et donc, on voit bien que ces garçons sont parfois ou bien submergés par des pulsions ou bien complètement incapables de comprendre où est l'intérêt collectif. Dans les grands clubs européens, les fameuses institutions dont je parlais, des cadres ont été fixés, des règles ont été fixées. Et s'il y a ce type de dérapage, ce qui peut arriver, les joueurs, et quelle que soit la personnalité ou le prix du joueur, est remis immédiatement dans le droit chemin ou éventuellement est mis à pied. Donc, cette notion... Vous avez des exemples de ça? J'ai pas d'exemple là qui me vient tout de suite à l'esprit, mais en tout cas, le fait qu'il existe une règle très stricte fait que certains dérapages qui ont eu lieu au PSG, je pense à un arrière qui s'appelle Serge Aurier, qui il y a deux ans ou trois ans avait traité sur Periscope son entraîneur Laurent Blanc, un champion du monde, de fiotte. Pardon pour le terme. Et au bout du compte, pas de grosses sanctions. Quelque chose comme ça qui arriverait au Bayern Munich ou au Real Madrid, c'est une mise à pied et un licenciement pour faute professionnelle très grave immédiatement. Mais vous pouvez faire ça quand vous avez payé un type des millions d'euros ? C'est tout le paradoxe, c'est toute la difficulté où en pensant en achetant des joueurs à 222 millions d'euros, Neymar, Mbappé à 180 millions d'euros, on pensait, enfin en tout cas le PSG pensait acheter la Ligue des Champions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, donc vous dites qu'il n'y a pas de sens de l'institution, que c'est une pétaudière. Pourquoi est-ce une pétaudière? Est-ce que ça veut dire que la personne qui dirige le club est incapable de faire respecter une discipline, Laurent Sabat? Parce que, comme on l'a entendu, on est dans quelque chose qui va au-delà du projet sportif. On est dans le projet d'un État, en l'occurrence le Qatar, et le cheikh Al Thani du Qatar, qui a décidé à un moment d'acheter le PSG, un enjeu d'image, un enjeu d'influence. Je vous rappelle, il a la chaîne également, il gère la chaîne Al Jazeera, beIN Sport, Coupe du Monde au Qatar prévue pour 2022. Donc il y a tout un ensemble et également une compétition avec les voisins, notamment d'Abu Dhabi, l'équipe d'Abu Dhabi qui est le Manchester United. Et ça marche mieux ? Ça marche un petit peu mieux. Et en tout cas, quand il y a eu le match en 2016, toujours en Ligue des Champions, entre le Manchester et le PSG, c'est-à-dire entre Abu Dhabi et le Qatar, c'est Abu Dhabi qui a gagné. C'est les frères ennemis. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Tout ça pour dire que, en fait, le projet n'est pas purement sportif. Je vais quand même me faire l'avocat du PSG. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, comme aujourd'hui c'est un club dont on parle beaucoup puisqu'il a beaucoup de stars, est-ce que finalement le modèle économique du club n'est-il pas viable, contrairement à ce que vous dites, Laurent Sabat ? Le modèle du club est viable à partir du moment où on injecte régulièrement de l'argent. Bon, ça, c'est pas de la viabilité. C'est la formule « le Qatar paiera », si je reprends une référence. Ça, c'est pas un modèle économique. Une référence historique. Si on essaye d'être concret sur l'échec aujourd'hui de l'élimination du PSG, c'est un manque à gagner qui est estimé, selon les économistes du sport, entre 70 et 100 millions d'euros. Droits télé, renégociation des contrats publicitaires, merchandising, etc. Est-ce que c'est un gros problème pour le PSG ? Non. Et peut-être que le problème, c'est que ça soit pas un problème. C'est que, de toute façon, le PSG, et même dans le cadre de ce qu'on appelle le fair play financier... Alors, il faut rappeler ce qu'est le fair play financier. Le fair play financier, c'est une règle édictée par l'instance supérieure du football européen, qui s'appelle l'UEFA, qui vise à équilibrer les finances d'un club entre à la fois les recettes et les dépenses. Donc aujourd'hui, le PSG se retrouve... avoir un déficit sur, en fonction des règles du fair play financier, de 50 millions d'euros qu'elle doit pouvoir financer d'ici le 30 juin. Donc c'est tout à fait gérable. Donc sur le plan économique, c'est pas catastrophique du tout. Le système tient et continuera à tenir. Je pense que le vrai enjeu pour les Qataris aujourd'hui, c'est l'enjeu sportif. Des solutions ? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, maintenant donc que l'on a dépensé autant d'argent et que les victoires ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Qataris ? Que peut faire le PSG, Laurent Sabat ? Je pense qu'une des solutions, c'est déjà de changer l'équipe à la tête du club. Les dirigeants de ce club, qui depuis 7 ans ont essayé, ont pris des initiatives, mais il se trouve qu'ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas la bonne stratégie, ils ne sont pas arrivés à créer la fameuse institution dont je parlais tout à l'heure. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaïfi, est en fait un proche du cheikh. C'est son titre de gloire et c'est son diplôme à lui. Il a été 995e joueur de tennis mondial en 2002. Voilà, c'est sa connaissance du sport de haut niveau. Ce n'est pas un homme d'affaires particulièrement, avec un passé particulièrement positif. Donc, voilà, il a la confiance du cheikh, mais on s'aperçoit qu'en fait, ça ne suffit pas pour pouvoir construire un club, pour pouvoir construire une équipe, pour pouvoir, encore une fois, construire une institution qui peut rivaliser avec les meilleurs clubs européens. C'est sauvable ? C'est sauvable à partir du moment où on prend le temps de construire. Et là, je fais le parallèle avec une entreprise. Et ce qu'on voit en permanence dans les entreprises, travailler sur une stratégie, sur une vision, sur des valeurs, c'est tout simplement ça. C'est travailler sur l'histoire aussi. On s'aperçoit que dans les grands clubs européens, il y a presque un culte aux anciens du club, très organisé. Le Bayern Munich, avec des uniformes, il y a tout un rituel, il y a tout un travail qui est fait autour de la mémoire du club. Ça fait partie des éléments. Ces éléments-là, on ne les trouve pas, donc ça rentre aussi par ce type d'initiative. Merci beaucoup Laurent Sabat. Superfell a été piétiné à la réalisation par Milena Elig, gâché par Anaïs Isebaer et mal confectionné en régie par Emmanuel Morse-Duncan. Superfell.